Je veux marcher là-bas, je marchais loin de chez moi, où j'espérais vivre une aventure remplie de joie. Je marchais loin de chez moi, loin dans la montagne, où je voulais voir le ciel et ses oiseaux peuplés par milliers. Dans cette petite maison bleue où je m'étais réfugié afin de pouvoir éviter les désastres habituels que l'on nous avait infligés et que je détestais. Mais voilà, j'étais obligé de devoir la quitter, cette maison adorée que je ne voulais pas. Je m'étais trompé et cela m'a fait pleurer. Et tout autour de moi, les gens sont transformés. Je marchais là-bas et je crois que j'ai mal fait de penser que j'y arriverai. On dit que c'est de ma faute, que j'ai mal assuré et que je devrais payer. Mais pourtant je n'ai rien fait pour que l'on me déplaît, pas même un baiser. Peut-être que je devrais tout abandonner, mais dans ce cas je serai dans un cas désespéré. Je ne suis pas prêt. Je marchais là-bas, je marchais loin de chez moi, dans ce que je croyais aimer. La vie est trop dure pour un enfant comme moi. Mais voilà, maintenant c'est fait, je ne pourrai malheureusement plus reculer. Tout ça à cause de toi, je n'irai plus là-bas.